Saint-Denis. Tout là-bas, c'est le réveil dans la Saint-Denis. J'ai ma valise et mon billet pour le train de nuit. Je m'en vais, j'en ai assez, assez de Paris. Oh oui, je suis sur le chemin du paradis dans le train de nuit. Le chef de gare est là, le voilà pour le train de nuit. C'est le départ, oui, le départ dans le train de nuit. J'ai le cœur qui bat. Yeah.